Chapitre 20e, le boudoir. Eugraphia était dans son boudoir. Un essaim de femmes de chambre l'entourait. La plupart d'entre elles, et surtout les meilleures et les plus habiles, étaient esclaves. Car les affranchis qui avaient quelque talent n'étaient pas restés auprès d'elles. Aussi Eugraphia ne donnait la liberté qu'à celles qui étaient maladroites, maladives ou trop vieilles. C'est-à-dire qu'elle les plongeait dans la misère en ne leur donnant pas des moyens d'existence suffisants. À défaut de ces ressources, le don de la liberté était un bienfait très douteux, car dans leurs conditions de dépendance absolue, les esclaves n'avaient aucune idée des nécessités de la vie libre, et ne possédaient pas d'ordinaire les capacités qui pouvaient leur être utiles après l'affranchissement. Le service des esclaves était tout machinal, à peu près comme celui du plus grand nombre des ouvriers employés aujourd'hui alentour des métiers de nos manufactures. Le nombre des esclaves étant très considérable dans les grandes maisons, la besogne était divisée à l'infini et la tâche de chacun se bornait à la plus petite chose. Un esclave, par exemple, n'avait d'autre emploi que de tenir le bassin d'argent dans lequel sa maîtresse se lavait les mains. Une autre ne faisait que présenter le miroir à l'heure de la toilette, fonction très redoutée. Le miroir était un grand disque d'argent poli et brillant, dans lequel on ne pouvait voir cependant qu'une partie de son individu. La servante était obligée de deviner l'intention de sa maîtresse et de donner au miroir telle ou telle inclinaison selon que la dame voulait porter ses yeux ou plus haut ou plus bas. La femme la plus habile du monde dans cette spécialité délicate de la présentation du miroir, une fois affranchie et sans ressources, n'était nullement assurée contre le danger de mourir de faim. L'esclave qui tenait la glace devant les yeux d'Eugraphia avait un emploi difficile. La noble dame était tous les jours mécontente de ce miroir trop sincère, dans lequel elle se voyait telle qu'elle était et non telle qu'elle aurait voulu être. Et la pauvre Léonilla en pâtissait. L'affreux instrument avec lequel les grandes dames punissaient de leurs propres mains les manquements légers de leur servante à l'heure de la toilette, la longue épingle à cheveux en forme de poinçon d'or, dont la piqûre sur les bras nus et sur le cou était extrêmement sensible, ne quittait pas la main d'Eugraphia. Elle était assise sur un magnifique siège en ivoire avec coussin en soie jaune à fleurs richement brodées. Sa coiffure était terminée, et très habilement. On ne pouvait découvrir combien de faux cheveux se mêlaient aux vrais, ni dans les boucles de devant, ni dans les tresses de derrière. De tendres opales, en harmonie avec les douces clartés du ciel printanier, semblaient des fleurs éparses dans les nattes de ses cheveux bruns. « La coiffure me plaît beaucoup, » dit Eugraphia amicalement. « Vous avez bien travaillé, Julita. Pour cette saison, aucun ornement n'est mieux choisi que l'opale, qui serait trop maigre dans l'ardeur de l'été ou la rigueur de l'hiver. Maintenant, Melita, vite, les pendants d'oreilles en opale. » Julita se retira contente de son ouvrage et de l'approbation de sa maîtresse, et Melita, qui d'un coup d'œil parcourut tous les écrins aux bijoux dont elle avait exclusivement la charge, trouva aussitôt les boucles d'oreilles demandées et les attacha d'une main exercée. « Zoé !» fit Eugraphia d'un ton sévère. Il se produisit une certaine agitation parmi les esclaves. On sentait l'approche d'un moment très important. Zoé s'avança suivie de quatre compagnes tenant chacune un plateau d'argent avec des fioles et des boîtes remplies de différentes couleurs, de petits pinceaux, de fines éponges. Ces filles s'appelaient du nom de la couleur qui leur était confiée, Siané, Mela, Érythra, Leuké. Zoé se mit à l'œuvre. Sa besogne demandait une main légère et sûre, un œil exercé. D'abord, avec un doux tampon de ouate, elle appliqua et distribua délicatement le fard blanc, puis le rouge avec plus de délicatesse encore. « C'est trop rouge !» dit Eugraphia qui suivait dans la glace la peinture de Zoé. « J'ai l'air phtisique, c'est affreux. Les pommettes sortent trop. Voulez-vous me faire une tête de méduse ?» Zoé tressaillit. Elle avait reçu au bras gauche un coup de la longue épingle d'or que Eugraphia tenait à la main. « Mais je crois que c'est la faute de Léonilla, » reprit Eugraphia d'un ton acerbe. « Comme elle tient le miroir, il reçoit de l'ombre. C'est insupportable !» Je ne puis voir si le rouge de la joue ne va pas trop près des oreilles, fille maladroite. Et comme le miroir est mal poli, je vois tout gris. Léonilla se tenait immobile comme une statue. Elle tenait le miroir des deux mains et lui donnait l'inclinaison que Graffia indiquait du regard ou de la voix. Elle était, comme toutes ses compagnes, trop habituée à la mauvaise humeur de sa maîtresse pendant la toilette pour se chagriner de ses reproches. On les endurait comme faisant partie du service. Seulement les coups d'épingle distribués à gauche, à droite, les tiraient de temps en temps de leur apathie. Zoé continua sa peinture par l'application des couleurs au pinceau. Le vif carmin d'Erythra fut posé sur les lèvres. De la fiole de Cyane, elle tira un bleu tendre et délicat pour simuler les veines sur les tempes. Mella présenta une essence noire avec laquelle elle ombra le bord des paupières inférieures et une poudre noire pour les cils et les sourcils. Grâce à ces recettes auxquelles un goût dépravé pouvait seul trouver quelque chose de commun avec la beauté, Eugraphia finit par ressembler à une tête de poupée en porcelaine. Les belles couleurs de la jeunesse étaient là, seulement il leur manquait la vie. À l'autre bout du spacieux boudoir, on s'occupait en même temps d'une autre toilette, celle du petit chien d'Eugraphia. La petite bête fut d'abord baignée dans des essences parfumées, ensuite on la frotta avec une huile aromatique et on la saupoudra de sable d'or, de sorte qu'à la fin l'animal eut aussi, de son côté, une certaine ressemblance avec un produit artistique, et dans cet état il plut infiniment à sa maîtresse. Un groupe d'esclaves était attaché à la toilette et aux soins quelconques du petit chien, et Eugraphia veillait sévèrement à ce que rien ne fût négligé à cet égard. Naturellement, ses tendresses pour les animaux changeaient assez vite d'objet, et passaient quelquefois d'une espèce à une autre. En ce moment, le petit chien doré était le favori. Eugraphia jetait de temps en temps un regard de son miroir sur les servantes du chien, afin de s'assurer que le cher animal était traité avec tous les égards possibles. « Eudora !» cria-t-elle d'une voix menaçante. « N'oubliez pas combien la petite créature que vous avez sous la main est faible et délicate. Et passez très légèrement l'huile aromatique. » « Avez-vous déjà entendu dire que la noble Thaïs s'est fait envoyer de l'intérieur de l'Afrique une antilope naine ?»« Est-ce une nouvelle race de chien ?» demanda Eudora. « Non. C'est un petit animal comme un tout petit chevreuil, avec deux cornes pointues. Thaïs a fait dorer ses cornes et les a fait entourer d'un petit cercle d'émeraude. C'est très joli. Mais je ne puis approuver qu'on fasse un semblable usage des pierres fines. » « Si c'était au moins pour un petit chien ?» fit Eudora d'un ton inspiré. « Non, pas même, » dit Eugraphia d'une voix sévère. « Que restera-t-il aux femmes, en feu de parure, si les bêtes portent des pierreries ?»« Vous êtes toujours pleine de sagesse, noble maîtresse, » dit Eugénia. C'était la présidente du boudoir. Elle assistait à la toilette en surveillante sans y mettre la main. Elle était donc supérieure à toutes les autres. « Non, » continua-t-elle. Les pierres fines ne sont pas faites pour être portées par des bêtes. Et si je voulais orner le cou de mon chien d'un collier de rubis, que diriez-vous alors, sage Eugénia ? Demanda Eugraphia d'un air méprisant. Je dirais, répondit Eugénia, que ma noble maîtresse a des raisons particulières pour le faire. Vous êtes la sagesse en personne, ma fille. Jamais embarrassée pour répondre. À coup sûr, c'est l'empereur d'Occident qui a le goût le plus singulier pour les bêtes. « Devinez quel est son animal favori. Nommez un animal chacune à votre tour. Eugénia, commencez. » Eugénia nomma l'éléphant, et ses compagnes désignèrent chacune l'animal qui, à leur sens, était le plus digne de la tendresse d'un monarque. Mais aucune ne rencontra juste, et Eugraphia leur dit la chose d'un ton solennel. « La passion de l'invincible empereur Honorius est la poule. » Les esclaves ne savaient quelle attitude prendre. Devait-elle rire, ou s'étonner, ou s'émerveiller ? Elles gardèrent toutes le plus profond silence. Finissez donc enfin votre ouvrage, Zoé. Et vous, Eudora, ne me regardez pas ainsi la bouche ouverte ? Dit Eugraphia, impatientée du mutisme craintif de ses pauvres filles. Eh bien, Eugénia, l'animal favori de l'empereur d'Occident, vous plaît-il ? Comme nouveauté et originalité, il me plaît beaucoup. Répondit Eugénia d'un air embarrassé. C'est aussi ma pensée, dit Eugraphia. Le poulailler du glorieux empereur à Ravenne doit être quelque chose de charmant. De jolies petites cabanes avec du gazon et des bassins, le tout entouré d'une grille en bronze et ombragée par le feuillage des catalpas. Des poules de toutes couleurs et d'une grande rareté qui s'agitent et se remuent dans ce petit enclos. Il en a même fait venir quelques espèces curieuses de l'Inde. Oh, que c'est charmant! que c'est agréable et réjouissant. Oh, le bienheureux empereur Honorius! Oh, le petit paradis de poule! » L'esclave, chargé de se tenir à la porte et d'en défendre l'approche à tout regard indiscret, quitta un instant son poste et s'éloigna, car malgré l'explosion d'enthousiasme et d'admiration, elle avait entendu des pas. Avant que ce feu roulant d'exclamations eût cessé, la portière revint chargée de transmettre une communication à sa maîtresse. « Narcisse demande s'il plaît à madame de parler au noble Genius. »« Certainement, » répondit Eugraphia avec animation. « Qu'on l'introduise dans le salon du matin. Hâtez-vous, fille. Mon temps est plus précieux que le vôtre. Donnez-moi une robe rose en fine étoffe de Perse. Cela s'harmonisera bien avec la parure en opale, n'est-ce pas, Eugénia ?»« Parfaitement, » répondit celle-ci. « Je voudrais que madame reçût aujourd'hui sans visite pour faire admirer une aussi jolie toilette et pour la faire envier. » L'esclave, préposé aux vêtements, ouvrit un large compartiment en bois de sandales et y prit la robe demandée qui répandait un parfum délicat d'huile de rose. En peu d'instants, la toilette de Graphia fut achevée. « Eudore ! » cria-t-elle. À ce nom, le petit chien doré s'élança sur ses traces. Suivie du précieux animal, elle se rendit dans son salon. À peine était-elle sortie que Léonia se laissa tomber sur une chaise longue en poussant un grand soupir. « Je n'en puis plus. La contrainte est par trop grande. On ne peut pas rester 2 heures comme une statue et tenir un lourd miroir. « Reposez-vous, » dit froidement Eugénia. « D'ici à ce soir, cette légère fatigue aura le temps de s'évanouir. »« Ne pourriez-vous pas me faire avoir un autre emploi, Eugénia ?» demanda la pauvre Léonia d'une voix suppliante. « Mais vous n'en pourriez remplir aucun autre, » répondit la présidente du boudoir. « Ne pourrais-je pas, par exemple, changer avec Eudora ?» reprit Léonia toujours du même ton. « Oh, merci de cette proposition, » fit Eudora vivement. « Avec mon petit chien, je n'ai pas de coup d'épingle à craindre. La chère petite bête va. Non, je suis très contente. Je n'accepte point d'échange. » « Vous parlez comme si vous étiez interrogé, » dit froidement Eugénia. Si un changement était nécessaire, il aurait lieu. Pour le moment, il n'en est pas question. Léonia se remettra facilement de sa fatigue et finira par être contente de son emploi. Les femmes qui sont toute la journée assises à tisser, à coudre, à broder, ont le droit de se plaindre. Mais celle qui tient un miroir... « Ah, je soutiens que ces ouvrières sont moins à plaindre que moi !» fit Léonia. « Vous parlez sans raison, » dit Eugénia d'un ton indifférent. « Non, » reprit Léonia, « je sais ce que je soutiens. Elles sont moins à plaindre, parce qu'elles produisent quelque chose par leur travail. Les unes une étoffe, les autres une robe, les dernières un ornement. Elles voient ce qu'elles font. Il y a de la variété dans leur travail. Les patrons, les étoffes, la coupe, le dessin ne sont pas toujours les mêmes. Mais moi, je reste tous les jours, plusieurs heures, comme une statue qui ne peut remuer que les yeux et les mains, et voilà tout. » « Vous oubliez que vous avez encore à polir le miroir, » objecta Eugénia. « Et que nous, pauvres couleurs, nous n'avons pas non plus un emploi bien intéressant, » dit Siane d'un air riant. « En tout cas, nous sommes encore mieux que les servantes de beaucoup d'autres dames, » dit Julita, l'esclave chargée de crêper les cheveux. « Que diriez-vous si vous aviez à soigner des malades dégoûtants, à les laver, à les peigner, à panser leurs plaies? Si vous aviez apporté par la ville des paniers remplis d'aliments ou de vêtements, et à les distribuer aux pauvres gens? Voilà cependant ce que doivent faire les servantes des nobles dames Pentadia et Olympia. « C'est épouvantable !» s'écrièrent quelques voix. « J'ai pourtant ouï dire qu'elles le font volontiers, » dit le quai. « Volontiers, sans doute dans le même sens que je préfère laver le chien, plutôt que de tenir le miroir, » dit Eudora. « Oh non, pas ainsi, » répondit le quai. « Ces nobles dames ont donné à toutes leurs servantes la liberté et des moyens d'existence. » Mais un grand nombre d'elles sont si dévouées à leur maîtresse qu'elles n'ont pas voulu la quitter, et elles ont préféré partager la dure vie qu'elles mènent. C'est seulement à cette condition que ces nobles dames, ainsi que la noble Nicarette et la princesse de Mauritanie, Salviana, et peut-être d'autres encore, ont conservé leur servante. Il n'y a donc là rien qui ressemble à une pression indirecte. Oh, si j'avais la liberté et une jolie somme d'argent, « je ne voudrais certainement pas rester ici pour laver des chiens ou des malades, » fit Eudora. « Je m'achèterai une maison à la campagne et j'y installerai un poulailler comme celui de l'empereur Honorius. » Il faut en effet beaucoup aimer sa maîtresse pour vivre avec elle comme vivent Pentadia et Olympia, dit Cyan. Non, répondit Mélita en continuant à ranger les bijoux dans leurs écrins. Il faut avant tout aimer Dieu comme ces saintes dames l'aiment. Mais c'est encore plus difficile, fit Cyan. Assez de bavardage, dit Eugénia d'un ton de commandement. Que celles qui n'ont plus rien à faire dans la chambre s'en aillent. L'essaim s'éparpilla, et il ne resta que celle qui était chargée de mettre tout en ordre dans la chambre sous la surveillance d'Eugénia. Tout le personnel de Graffia était chrétien. Elle veillait à ce que ces gens reçussent le baptême en entrant dans l'adolescence. On ne baptisait alors les enfants en bas âge que par exception, et seulement dans les familles très pieuses. L'impératrice Eudoxia elle-même avait été baptisée peu de temps avant son mariage. Mais elle tenait à ce que ses enfants reçussent dès les premiers jours de leur naissance le sacrement de grâce qui les faisait membres du corps mystique de Jésus-Christ. Car avec son intelligence vive et pénétrante, et l'instruction religieuse profonde et complète que son savant maître Pansophius lui avait inculquée, elle avait une connaissance parfaite des voies du salut, et les suivait autant que ses passions n'y mettaient pas obstacle. Son exemple servait de règle. Eugraphia n'aurait jamais souffert ni païen ni arien dans sa maison. Mais comme chez elle le christianisme n'était qu'une forme extérieure noyée dans le débordement de l'esprit du monde, il en était de même pour ses subordonnés. On recevait l'instruction préparatoire, on était baptisé, parce que ces conditions étaient comprises dans le service de Graffia. Mais quant à régler sa vie sur les maximes de la religion chrétienne, il n'en était point question. C'était une exception quand brillait dans une âme une pensée qui trahissait la conscience d'une destinée surnaturelle.